travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Nous n'avons pas coutume à ce micro de célébrer les anniversaires, de participer aux commémorations. D'autres s'en chargent, parfois de façon pataude et souvent fort bien. Mais puisque le hasard du calendrier fait que cette émission vous est proposée un 18 juin, il m'a semblé qu'il serait stimulant au second degré de considérer non pas en soi l'événement prodigieux qui survint à Londres en 1940, voici 71 ans, mais la manière dont il a été célébré depuis lors au gré des diverses conjonctures en éclairant, forcément, les dynamiques successives. Sudhir Hazaresingh vient de publier un beau livre intitulé « Le mythe gaulien ». Et il était pour moi « the right man in the right place », je dis cela en anglais, une fois n'est pas coutume, en hommage à un historien qui, originaire de l'île Maurice, fellow de Balliol College de l'Université d'Oxford et membre de la British Academy, est admirablement bilingue, vous allez en juger, et joue un rôle de passeur précieux entre nos deux cultures. Dans son livre, il donne à connaître et à comprendre l'évolution, riche en contraste, de l'image de l'homme du 18 juin, au cœur de ce récit national dont il est tellement question aujourd'hui, peut-être d'autant plus qu'il est contesté. Un récit national dont Charles de Gaulle fut le plus magnifique des adeptes et des serviteurs. Le souvenir du 18 juin est-il le dernier aliment d'une nostalgie frustrée ou bien un ressort possible pour de nouveaux élans adaptés à un monde bien différent? Une belle question. 18 juin. À Paris, le président Auriol a commémoré la date qui, pour tous les Français, demeure le symbole de l'espoir en venant déposer une gerbe sur la tombe de l'inconnu. Monsieur Vincent Auriol, qui était accompagné de messieurs Hériot et Rabadier, a tenu à s'associer ainsi à la France tout entière dans un geste de reconnaissance. Car cet honneur dont certains faisaient peu de cas, et cette victoire à laquelle ils ne voulaient plus croire, à Londres, il y a 7 ans, un homme y a cru. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Quel est mon but? Mon seul but. Alors, au son de cette voix, les forces vives de la nation se rassemblaient. Individuellement ou en groupe, des Français allaient rejoindre celui qui voulait à tout prix maintenir la France présente partout où se jouait le sort du monde. Et tandis que la France libre se constituait sous les bombes du Blitz, des hommes juraient de libérer leur patrie. Ils ont tenu parole. Cela, nous ne devrons jamais l'oublier. Sudhir Hazaresingh, bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeannet. Vous avez, j'en suis sûr, reconnu le ton inimitable des actualités françaises qui passaient au cinéma avec le grand film. Absolument, oui. Avant le grand film. Nous sommes là le 26 juin 1947. Le général de Gaulle a quitté le pouvoir depuis un an et demi. Et j'ai choisi cet extrait parce qu'il me paraît porter déjà les tonalités du mythe que nous allons évoquer pendant une heure. Oui, déjà, on parle de cet événement comme d'un événement absolument grandiose et qui a marqué les contemporains, alors que nous savons très bien que sur le coup, en juin 1940, très peu de gens avaient entendu l'appel du général de Gaulle. Je me souviens d'ailleurs, l'année dernière, il y avait eu une conférence très intéressante à laquelle vous étiez, où Daniel Cordier, Yves Guéna, Jean-Louis Crémieux-Briac et Stéphane Hessel nous avaient raconté leur guerre. Les magnifiques nonagénaires. Les magnifiques nonagénaires. Et chacun d'entre eux, les grands résistants, les grands survivants de la résistance, nous ont expliqué qu'ils n'avaient finalement pas entendu l'appel du 18 juin. Il y a une formule qui résume très bien l'état d'esprit de l'époque. Ceux qui ont entendu l'appel du 18 juin ne l'ont pas compris, et ceux qui avaient déjà compris le sens de l'appel ne l'ont pas entendu. Alors que dans cette archive proposée dans les cinémas de France en juin 1947, on a le sentiment qu'un grand nombre de Français déjà se dirigent vers Londres. Il y a la création d'une épopée, le sentiment qu'il y avait ces grandes foules qui se ruaient vers Londres. Et je me rappelle, Yves Guéna en parlait, je crois qu'il était le seul, en juin 1940, à avoir entendu parler de l'appel. Mais lorsqu'on lui pose la question, est-ce que vous aviez entendu parler du général de Gaulle en juin 1940, il répond très franchement non. De Gaulle était largement inconnu à cette époque-là. Ça n'empêche pas, si vous parlez d'Yves Guéna, de rallier les forces françaises libres, où il a mené d'ailleurs une très belle guerre. Voilà, exactement. Et pour ces gens-là, Cordier, qui raconte très bien ce moment-là dans Alias Caracalla... Daniel dit, Cordier, qui a été ensuite le secrétaire particulier de Jean Moulin dans la Résistance. De Jean Moulin dans la Résistance, raconte que pour lui, en fait, c'est un autre discours du général de Gaulle, début juillet, qui... et le prélude de son ralliement à la France libre. Donc, en juin, les choses étaient encore toujours assez fluides. D'ailleurs, il y a un autre aspect qui est erroné dans cette archive que je viens de vous proposer. On a l'impression qu'on vous donne un extrait de l'appel du 18 juin 1940. Or, il faut décevoir nos auditeurs s'ils ne l'ont pas déjà été. On n'a pas l'enregistrement du 18 juin 40. Voilà, l'appel du 18 juin n'a pas été enregistré. On raconte qu'il y aurait peut-être une archive dans les archives russes, enregistrement dans les archives russes. On peut toujours espérer. Mais on peut toujours espérer. Mais de Gaulle refusa toujours après, en 44 et en 45, on lui demanda d'enregistrer l'appel une nouvelle fois sur disque. Et de Gaulle, vous savez, n'aimait pas du tout le marketing politique. Déjà, il reprochait à Churchill pendant la guerre de le lancer comme une savonnette. Et donc, il a toujours refusé de réenregistrer cet appel du 18 juin. Donc, nous n'avons pas d'une version sonore. Peut-être peut-on, doit-on, Sudhir Hazaresingh, rappeler la conjoncture qui est celle de cet appel. Le gouvernement de Paul Reynaud vient de s'effondrer le 16 juin au soir au profit d'un nouveau gouvernement présidé par le maréchal Pétain qui s'y préparait depuis quelque temps et auquel le président de la République Albert Lebrun fait appel. Et c'est ce gouvernement qui va prendre la tâche de l'ennemi pour conclure un armistice. Le général de Gaulle a été sous-secrétaire d'État à la guerre dans le gouvernement Paul Reynaud, ce qui lui laisse quelque chose comme une esquisse de morceaux de souveraineté. Il fait toujours partie du gouvernement et c'est en cette qualité qu'il quitte le territoire français pour aller à Londres. Mais vous avez tout à fait raison de souligner à quel point il est important de mettre l'appel du 18 juin en contexte. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'appel, on traite généralement cet événement comme un point de départ. C'est le commencement d'une tradition de résistance, etc. Alors qu'en fait, l'appel du 18 juin est une réponse à un discours qui a eu lieu la veille et qui est le discours du maréchal Pétain, où il appelle à l'armistice et où il fait don de sa personne à la France. Où il dit qu'il faut cesser le combat. Alors plutôt que de vous donner cet extrait du maréchal Pétain directement, je vais vous faire entendre son propos un an plus tard, où de façon assez narcissique, il donne à réentendre aux Français ce qu'il leur avait dit précisément le 17 juin. Là, on est le 27 juin 1941, c'est un extrait des Actualités mondiales. Juin 1941. Le maréchal Pétain parle à la France. Français, le 17 juin 1940, il y a aujourd'hui une année, j'adressais mon premier appel à la France. Le disque qu'il enregistra va tourner devant vous. Entendez-le, il vous replacera dans l'atmosphère du jour où cet appel fut prononcé. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Voilà ce que, d'une voix cassée par l'émotion, je vous disais le 17 juin 1940. Ma voix aujourd'hui s'est raffermie, car la France se relève. Mais bon nombre de Français se refusent à le reconnaître. Croient-ils vraiment que leur sort est plus tragique qu'il y a un an? Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. C'est le maréchal Pétain, un an après sa prise de pouvoir. Il essaye lui aussi de reconstruire une tradition et de faire appel à une tradition providentialiste. Ce qui est frappant en fait pendant la guerre, c'est qu'il y a un dialogue silencieux bien entendu, mais un dialogue quand même entre ces deux figures sacrées que sont Pétain et De Gaulle. Ils essayent tous les deux de construire des figures d'hommes providentiels, d'incarner les figures d'hommes providentiels. Et il y a des intonations légèrement différentes, mais en fait, ils font appel, tous les deux, à ce registre-là. Alors, le registre de Pétain est un registre un peu plus doloriste. Il culpabilise les Français. Beaucoup plus doloriste, oui. Beaucoup plus doloriste, et très religieux, et fataliste aussi. Alors que De Gaulle est volontariste, lui, il pense qu'on peut changer les choses. Et le discours de De Gaulle, ce qui est frappant aussi, c'est que ça reste toujours un discours très laïque. Il fait très rarement ou presque jamais appel à Dieu, alors que, comme on le sait très bien, le maréchal faisait toujours référence au bon Dieu lorsqu'il essayait d'exhorter les Français au sacrifice pour la cause sacrée. Il y en a un qui a tué la République et l'autre qui l'a rétablie. Je voudrais vous lire quelques phrases de ses mémoires de guerre où il évoque ce moment-là. Il écrit « La première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. » On n'a pas toujours noté que la radio, elle est toute jeune et que, évidemment, les choses auraient été bien différentes si l'événement était intervenu 2 ou 3 décennies plus tôt. « La radio s'offrait pour cela. Dans l'après-midi du 17 juin, j'exposais mes intentions à M. Winston Churchill. Naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre, qu'aurais-je pu faire sans son concours ?» Il me le donna tout de suite et mit pour commencer la BBC à ma disposition. Nous convînmes que je l'utiliserais lorsque le gouvernement Pétain aurait demandé l'armistice. Or, dans la soirée même, on apprit qu'il l'avait fait. Le lendemain, à 18h, je lus au micro le texte que l'on connaît. À mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. À 49 ans, j'entrais dans l'aventure comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries. C'est très saisissant et là aussi, on est en plein dans le registre de la mythologie. Il dit un peu plus loin, si j'ai bonne mémoire, il fallait que j'assume la France. Donc il porte littéralement la France sur ses épaules à ce moment-là. Là aussi, pour l'historien du mythe que je suis, je ne peux m'empêcher de contraster le discours héroïque et épique du général, cette fois-ci reconstruit une dizaine d'années plus tard, et la réalité, la dure réalité des Français à Londres en 1940. D'ailleurs, dans des conversations qu'il a eues avec ses collaborateurs après la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle reconnaissait très volontiers que surtout en 40 et en 41, jusqu'à 1942 en fait, il était très seul à Londres. Il était sans appui. Je crois qu'il dit à Bouchenet-Sereuil qu'il avait gardé des 2 premières années de la France libre le souvenir d'une solitude incroyable. Mais ça, on ne retrouve pas dans les mémoires de guerre, où le registre est beaucoup plus grandiose, n'est-ce pas? Nous disions qu'on n'a pas conservé l'enregistrement du 18 juin. Peut-être que d'ailleurs, la mythologie, finalement, y trouve son compte.

pas seulement des alliés, mais aussi du rôle que peut jouer l'Empire dans l'effort national de libération. Formule assez récente d'ailleurs, l'Empire français, ça remonte à l'entre-deux-guerres. Ça remonte à l'entre-deux-guerres, et on sait que l'Empire jouera un rôle très important dans l'histoire de la France libre, donc il y a déjà ce premier élément. Deuxième élément, il y a l'accent que met De Gaulle sur cette notion de servitude, le contraste entre la liberté et la servitude, qui est déjà, me semble-t-il, un contraste républicain. La plupart des historiens disent que De Gaulle, en fait, ne prend son tournant républicain que vers la fin des années 42. Mais moi, je pense que lorsqu'on lit ses discours, même en 40 et en 41, on voit très bien qu'il y a une distinction très claire, bien qu'elle soit assez implicite, entre le régime de la servitude et le régime de la liberté, et en fait qu'il fait appel à une distinction qui est très républicaine. Donc là, Je me félicite que vous le souligniez, parce qu'en effet, je crois qu'il y a un regard qui a parfois été un peu faussé. Et puis le troisième et dernier élément qu'on entend dans ce discours, et là aussi c'est une constante dans la rhétorique gaullienne pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'accent qu'il met sur la dimension militaire de la résistance. De Gaulle fait toujours une distinction entre les résistances civiles et la résistance militaire. Et pour lui, la vraie résistance, bien qu'il n'emploie pas ce mot-là, mais cette idée est présente dans son esprit en permanence, la véritable résistance, c'est la résistance militaire. Les civils ont un rôle à jouer, mais c'est un rôle d'appoint, c'est un rôle de soutien. La véritable résistance, c'est celle que pourra fournir les forces armées. Et vous pensez que ce propos original a pesé sur l'évolution, sur la définition et l'évolution du mythe gaullien et du mythe du 18 juin jusqu'à aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui, on voit par exemple lorsque se crée le rite du Mont Valérien, qui est célébré tous les 18 juin à partir de 1945, le 11 novembre 1945, il y a le transfert des dépouilles mortelles de 15 combattants français qui ont combattu donc entre 1939 et 1945. Alors il faut savoir que sur les 15, il y a 9 qui sont des soldats. Donc 9 sur 15... Des soldats en uniforme, vous dites. Donc, la proportion de résistants, déjà, est diminuée par rapport aux soldats. Alors que si on écrivait une histoire, en fait, de la résistance française, la plupart des historiens seraient d'accord, je pense, pour dire que la résistance intérieure a joué un rôle au moins aussi important dans le combat contre l'occupant allemand et italien. D'ailleurs, dès 1945, on trouve une certaine tension entre ceux qui veulent mettre l'accent, effectivement, sur la France libre, et sur le rôle de la France libre à l'extérieur du territoire, puis avec la reconquête, à côté des alliés, ceux qui au contraire soulignent l'importance des résistants de l'intérieur. Mais avant d'y arriver, il faut dire un mot de la manière dont le 18 juin a été commémoré pendant la guerre elle-même, c'est-à-dire 41, 42, 43. Cet événement fondateur est très vite conçu comme tel et célébré comme tel. Ça évoque un peu la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Un an après la prise de la Bastille, l'événement est déjà posé dans sa plénitude historique. Il en va de même, me semble-t-il. N'est-ce pas, se dire Hazard et Singh, pour ce qui concerne le 18 juin 1940 ? Oui, ce qui est très frappant, c'est que dès 1940, De Gaulle a la conscience qu'il doit créer une symbolique distincte autour de son action. Et on le voit dans le 18 juin, mais on le voit aussi dans la création de l'Ordre de la Libération, qui est cet ordre de chevalerie qui est créé par le général de Gaulle. Mais il en a l'idée pendant l'été 1940, donc déjà au tout début de la Deuxième Guerre mondiale. Et il le crée en fait à la fin de 1940. Il le crée à la fin, mais l'idée est déjà là au tout début du conflit. Donc, mais pour en revenir au 18 juin, c'est vrai que en 41, c'est un peu l'histoire géographique de la France libre qu'on peut résumer à travers les commémorations successives du 18 juin, parce qu'en 41, il fait un discours pour le 18 juin, il est au Caire. Très bref. En 42, il est à Londres, à l'Albert Hall. En 43, si j'ai bonne mémoire, il est à Brazzaville. Et puis en 44, à Alger. Et c'est un raccourci presque géographique de l'histoire assez tourmentée de la France libre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans chaque discours, il y a un discours de plus en plus complexe sur le registre de la mythologie, sur ce qu'a été le 18 juin. Alors, 42 pour commencer. Alors, 42, Albert Hall. Jean Faure disait « Les raisonnables ont duré et les passionnés ont vécu ». Voilà 2 ans que la France, quoique trahie et livrée à Bordeaux, continue le combat par les armes, par les territoires, par l'esprit de la France combattante. Pendant ces 2 ans, nous avons beaucoup vécu, parce que nous sommes des passionnés. Mais aussi, nous avons duré. Ah, que nous sommes raisonnables. Nous sommes, dis-je, des passionnés. Mais, en fait de passion, nous n'en avons qu'une. La France. Et j'ai dit que nous sommes raisonnables. En effet, nous avons choisi la voie la plus rude, mais aussi la voie droite. Car la patrie se trouve refoulée dans une extrémité telle qu'aucune compromission, aucune transaction n'est concevable. Que serait-elle devenue si Jeanne d'Arc, si Danton, si Clémenceau avaient voulu transiger du désastre à la victoire? La voie droite est le plus court, mais elle est aussi le plus sûr chemin. On peut peut-être observer d'abord que, pour une fois, et c'est très rare, la rhétorique de De Gaulle n'est pas ternaire, mais binaire. Mais binaire, oui. Il suit ce propos de Chamfort. Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. Il aimait beaucoup cette formule parce qu'il s'en était déjà servi dans Le fil de l'épée, comme épigraphe pour l'un de ses chapitres. Oui, absolument. Et puis, c'est vrai qu'en même temps, cette distinction entre la raison et le sentiment traverse tous les écrits gaulliens, et on la retrouve bien entendu dans les mémoires de guerre aussi. Le tout début des mémoires de guerre, il fait une distinction qui est maintenant devenue classique entre la raison et le sentiment. Et il dit que ce sont les deux, en fait, qui ont toujours inspiré son action. Il mobilise l'histoire de France. Il mobilise l'histoire de France. Alors, là aussi, c'est très intéressant parce que dans le gaullisme de guerre, surtout pendant les années 40, 41 et 42, il y a un travail très, très dense que fait De Gaulle pour essayer de créer des soutiens dans l'histoire et dans l'imaginaire de la France. Alors, il parlera de Jeanne d'Arc et de Vercingétorix plus tard, mais là, il évoque Danton. Danton. Bien que Danton ait dit qu'on n'emportait pas la patrie à la semelle de ses souliers, ce vrai. Qui n'est pas exactement le départ pour Londres de 1940. Lazare Carnot, qu'il aimait beaucoup, l'organisateur de la victoire, celui qui revient après son exil au moment des 100 jours pour défendre le pays aux côtés de Napoléon. Et puis Clémenceau, qu'il va aller saluer sur sa tombe au Colombier, aussitôt après la libération du pays. Exactement. En fait, c'est une tradition qu'on pourrait désigner comme une tradition défensive de la République, c'est-à-dire que ce sont des guerres justes, mais des guerres où les républiques se défendent contre les envahisseurs. C'est la tradition de Carnot, c'est la tradition de Clémenceau, c'est aussi celle de Gambetta, que De Gaulle cite aussi parfois. Donc, il reconstruit une lignée républicaine, qui est une lignée très défensive, mais aussi très claire. Ce qui est intéressant aussi dans ce discours de l'Albert Hall, c'est que là aussi on voit que la signification du 18 juin a changé. En 40 et en 41, c'était essentiellement un appel à la résistance, disons un appel assez défensif, alors que là, à partir de 42, il commence à parler de transformation. C'est-à-dire que le but de la résistance n'est pas seulement de libérer le territoire, mais aussi de créer, il n'utilisera pas cette expression, mais c'est ça le sens, de créer un ordre politique nouveau. Et cela se précise de plus en plus, c'est aussi le moment où les socialistes français viennent le rallier avec Georges Boris, les émissaires de Léon Blum, etc. Voilà, la résistance devient vraiment une fédération, une confédération, et ce sera à travers l'émergence du Conseil national de la résistance le travail qu'accomplira Jean Moulin. En 1943, ce n'est pas Jean Moulin, c'est Pierre Brossolette qui, en l'absence du général de Gaulle, est chargé à Londres de prononcer le discours anniversaire. Brossolette, qui a été un héros magnifique et un martyr de la résistance et qui s'exprime de la sorte. Il a suffi qu'en ces jours de juin dont nous fêtons l'anniversaire, qu'un homme leur ait crié, à ceux qui étaient prêts à résister, leur ait crié « Je vous convie à vous unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance, pour qu'ils se lèvent tous ». Pour que ceux qui n'appelaient plus la mort que comme une délivrance accourent y chercher un accomplissement et pour que d'un seul geste sortant du banal, ils entrent dans le sublime. en cet anniversaire du jour où le général de Gaulle les a convoqués au banquet sacré de la mort, ce qu'ils demandent, ce n'est pas de les plaindre, mais de les continuer. Ce qu'ils attendent de nous, ce n'est pas un regret, mais un serment. Ce n'est pas un sanglot, mais un élan. » Fin de citation. C'est très beau, c'est très beau. Mais en même temps, on est un peu dans le registre de la mythologie, parce qu'à gauche, c'est vrai que la plupart des socialistes étaient du côté des gaullistes, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi les communistes, et eux avaient des rapports beaucoup plus conflictuels avec à la fois le 18 juin et avec l'action du général de Gaulle, mais ça peut-être nous en reparlerons. Nous allons en parler, bien sûr, parce qu'il faut que nous avancions et que nous gagnions la France libérée, c'est-à-dire la France du 18 juin 1945, lorsque pour la première fois, il revient au général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, il lui revient de définir la manière dont on va, 5 ans après l'événement, le commémorer. Et on voit en effet se dessiner les premières tensions que vous évoquez. Racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là dans la France libérée. Alors, le 18 juin 1945, c'est quand même une célébration assez particulière, parce que de Gaulle veut marquer le fait que la France a triomphé et qu'elle a retrouvé sa souveraineté. Donc, il faut que ce soit une grande fête militaire. Et donc, on organise un grand défilé dans Paris au moment du 18 juin. Mais en même temps, ce que j'ai retrouvé dans les archives, c'est que de Gaulle a beaucoup résisté à l'idée qu'il fallait donner à cet événement un caractère trop triomphaliste ou césariste. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se mettre en avant lui-même trop. L'une des choses qui souligne ça le mieux, c'est que les collaborateurs du général avaient voulu qu'il fasse un grand discours pour le 18 juin, et de Gaulle, en fin de compte, refuse de le faire. Donc il ne parle pas. Et là, on retrouve là l'une des constantes, disons, de l'approche gaullienne à la mythologie, c'est-à-dire que dans certains grands moments, il se réfugie dans le silence. Et désormais, le silence sera son fait, le 18 juin, d'année en année. À partartir de 1946, où il n'est plus au gouvernement, il organise un rite commémoratif au Mont Valérien, qui est un rite essentiellement privé, parce que c'est un rite qui est organisé par l'Ordre de la Libération, et où les ministres et les présidents du Conseil ne sont pas conviés. C'est une cérémonie privée. Et de Gaulle y vient en tant que grand maître de l'Ordre de la Libération. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après 58, lorsqu'il sera revenu au pouvoir et qu'il sera président de la République, cette cérémonie restera une cérémonie essentiellement privée. Et de Gaulle viendra toujours en tant que grand maître, plutôt qu'en tant que président de la République. Il y a toujours une ambivalence. Il aime dans ses discours évoquer sous la Ve République le point de départ de son énergie depuis le 18 juin 1940, et en même temps il est très réticent à l'idée qu'il soit en quelque sorte résumé comme l'homme du 18 juin. Vous parlez de 1958, c'est à ce moment-là que le poète, très bel écrivain que fut Pierre-Jean Jouve, réfléchit à ce qu'a été l'attitude de l'homme du 18 juin entre 1940 et 1944. Il l'évoque descendant les Champs-Élysées, juste après la libération de la capitale. Écoutons Pierre-Jean Jouve, il s'exprime le 18 juin 1958, c'est-à-dire 15 jours après le retour du général de Gaulle au pouvoir comme dernier président du Conseil de la 4e République. Lorsque le général de Gaulle descendait à pied les Champs-Élysées au milieu du délire de Paris, tout le monde a remarqué la lumière inspirée de son visage et le geste de ses bras. Le geste qui soulève, qui engage, le geste du chef d'orchestre d'une musique invisible. Le mouvement des bras de bas en haut reprenait inlassablement pour marquer la chose infinie qui s'accomplissait, tandis que le regard devenu celui d'un enfant par l'innocence semblait errer dans un lieu éternel sans rapport avec cette foule. Un peu plus tard, il disait encore une fois « La guerre, l'unité, la grandeur ». Le général de Gaulle aurait pu mourir à ce moment-là, ayant parcouru toute sa course. Mais le destin veut maintenant qu'il supporte le poids plus difficile de vivre, pour accomplir tout ce que le premier mouvement de 1940 a déterminé en lui. Le destin veut qu'il découvre le secret de réunir, le secret de contraindre, le secret de guider les pas chancelants du peuple affolé par sa propre volonté de souffrance, mais ayant retrouvé sa République. au milieu de grands peuples courageux plus favorisés qui auront servi la liberté par des machines exactes, il doit replacer la France nue et désespérément courageuse. Il doit le faire sans que rien vienne ternir par un nationalisme jaloux la fraternité des pensées et des armes. Il doit le faire sans que puissent continuer certaines méprises à l'extérieur. Il doit le faire enfin pour que le pire démon asservisseur que le monde ait connu, le démon et sa peste fasciste, règne de l'atroce, vampire des esprits et des nations, disparaisse à l'horizon de la France et sur le monde. On a besoin, vous qui êtes spécialiste des mythes, Sudhir Azarissing, on a besoin des écrivains pour les constituer, non ? Absolument, et de Gaulle a toujours eu cette chance qu'il ait eu autour de lui des gens comme Pierre-Jean Jouve et comme Malraux, bien entendu, qui était François Mauriac. François Mauriac aussi, qui ont constitué en quelque sorte le clergé de la religion gaullienne, si je puis m'exprimer ainsi. Et là, dans cet extrait, on voit très bien que toute la dimension épique, romantique, il y a un souffle vraiment prodigieux qui parcourt toujours l'imaginaire français dans les années 50. Et c'est très bien articulé par Pierre-Jean Jouve à ce moment-là. Mais il y a aussi les contradictions. Parce que lorsque de Gaulle revient au pouvoir en 58, il ne peut plus être cet homme seul, isolé, qui célèbre ce culte privé, loin des regards et loin du pouvoir. Et l'histoire de ce rite du 18 juin après 1958, ce sera un peu l'histoire de la tentative du général et de ses associés de réconcilier ces deux éléments que sont d'une part cette histoire merveilleuse et épique du 18 juin avec la réalité du pouvoir. Et c'est une contradiction que tous les régimes français ont dû confronter, c'est-à-dire comment est-ce que on crée un imaginaire et est-ce qu'on le maintient lorsqu'on est au pouvoir. Et puis il y a une tension entre l'idée que la France libre a été le redressement du pays contre l'État français ou prétendu État français et en même temps qu'on incarne l'union de tous dans l'effort et derrière de Gaulle. On voit dès la période du RPF, le Rassemblement du Peuple Français, la tentative vaine du général de Gaulle pour revenir dans les urnes au pouvoir au début des années 50, à la fin des années 40, on voit déjà cette tension en particulier en considérant la manière dont le Parti communiste a pris sa distance par rapport au 18 juin. Le Parti communiste qui était l'autre très grande force hostile à la 4e République et à ses dirigeants. Déjà, il y a un effort à la fin de la guerre pour expliquer que l'appel complètement en fait forgé, imaginaire, du Parti communiste à la résistance le 10 juillet 1940 serait plus important que l'appel du 18 juin. Et la tension se durcit sous la 4e République, après les grandes grèves de 47, de 48. Écoutez ce qui s'est passé à l'occasion du 18 juin 1949, lorsque les communistes ont suscité des manifestations contre la commémoration. C'est une archive des actualités françaises, toujours le cinéma, le 23 juin. 9 ans après l'appel à la résistance du général de Gaulle, des organisations d'extrême gauche et le Parti communiste protestent devant la mairie du 14e arrondissement contre la manifestation RPF organisée à l'occasion du baptême de l'avenue du Général Leclerc. Protestation empreinte de calme d'ailleurs et au cours de laquelle la police n'eut à intervenir qu'isolément pour éloigner les plus véhéments. Pendant ce temps, des milliers de partisans du Général de Gaulle étaient venus devant le cénotaphe élevé à la mémoire du Général Leclerc écouter le chef du RPF exalter le souvenir de son compagnon d'armes du Fetzan et de Berchtesgaden. Et en dépit des querelles qui s'élèvent autour de son nom, une avenue portera désormais le nom du libérateur de Paris et de Strasbourg. Manifestation avortée, mais néanmoins significative. Très significative, parce qu'en fait, pendant toute cette période, on pourrait dire, pour aller vite, pendant au moins les 4 décennies qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu cette bataille des mémoires entre les gaullistes et les communistes, et qui reposait en fait sur 2 visions très très différentes de ce que fut la résistance en France. Et cette querelle gaullo-communiste a continué au moins jusqu'à la fin des années 80, et les communistes étaient toujours ceux qui parlaient d'une résistance d'abord intérieure, l'extérieur, parce que eux, ils ont résisté en France, en contraste avec la France libre qui était en dehors du territoire. Il y a aussi, et vous l'avez évoqué, Jean-Noël Jeannonnet, une querelle de légitimité, n'est-ce pas ? Les gaullistes disent toujours qu'ils avaient été les premiers, et les communistes répondaient qu'eux aussi, ils avaient eu leur soi-disant appel du 10 juillet, qui est un appel assez fantaisiste, qui a été reconstitué après coup. Mais il y a aussi une querelle sur le tribut, le prix humain qu'a été payé. Et les communistes parlaient toujours de leur identité comme, ils se disaient, le parti des 75 000 fusillés. Ce qui est un peu excessif. Là aussi, il y avait un peu d'inflation. Mais toutes ces choses-là, lorsqu'on allait dans les colloques universitaires, par exemple, dans les années 60 et dans les années 70, et même dans les années 80, c'était des enjeux très réels dans l'historiographie. Un grand tournant quand même dans la commémoration du 18 juin, c'est l'année 1990, où on voit d'une part le président Mitterrand inaugure la plaque de l'appel du 18 juin à l'Arc de Triomphe. C'est quand même tout un symbole, quand on connaît les rapports assez ombrageux entre François Mitterrand et le général de Gaulle. C'est une litote. Et puis les communistes aussi, pour la première fois, célèbrent de manière, disons, claire et nette l'appel du 18 juin. Comme un grand moment dans l'histoire de la résistance. Alors qu'effectivement, sous la 4e République, on voit que le souvenir du 18 juin est plutôt une sorte de trébuchet pour l'opposition entre les uns et les autres. Il y a une affirmation, par exemple, de fidélité assez sonore dans le cas de ce gaulliste. Vous avez beaucoup travaillé sur les correspondances, sur les lettres. C'est très intéressant, les lettres adressées par des anonymes au général de Gaulle. Voilà un de ces gaullistes inconditionnels qui choisit la date du 18 juin 1955 pour convoler en juste noces. Il déclare « Je me marie le 18 juin pour que jamais, en ma mémoire, l'appel ne soit oublié, qu'à chaque anniversaire jusqu'à ma mort, cette commémoration soit en mon cœur et qu'une pensée aille vers le chef des FFL par-delà la mort. » Et vous faites observer, non sans malice, que l'épouse de ce vaillant vétéran aurait probablement souscrit à la fameuse formule de Lady Diana « Nous sommes trois dans ce mariage. » Oui, exactement. Et il y avait ce côté un peu, comment le dire, fétichiste dans le culte populaire du général de Gaulle, qu'on voit d'ailleurs aussi dans le culte tel qu'il se manifeste à Colombey. Et j'ai retrouvé des histoires très cocasses là aussi. Mais on trouve cette ferveur qui est une ferveur quasi religieuse, surtout dans la correspondance. Et il y a vraiment des trésors qui sont conservés dans les archives de la Fondation Charles de Gaulle, qui méritent d'être d'être encore davantage exploité par les historiens. Moi, je n'ai pas eu le temps de le faire de manière exhaustive, mais on retrouve là vraiment des éléments très intéressants et très importants pour comprendre la culture populaire française pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Et surtout pour comprendre cette dimension qui est à la fois laïque et religieuse du culte gaullien. C'est-à-dire qu'il y avait, dans une partie du culte du général de Gaulle, des éléments de religion. Et on peut même dire que le départ du général de Gaulle, renvoyé par le peuple français en avril 69, vous y insistez beaucoup dans votre livre sur le mythe gaullien, que ce départ rétrospectivement contribue à installer ce mythe. Oui, parce que dans tout mythe, il faut, en France, je pense, il faut un élément de martyr. Et le peuple français qui congédie le malheureux général en 69, en fait un martyr, tout comme Napoléon devint un martyr en étant expulsé par les perfides Anglais à Sainte-Hélène. C'est pour ça d'ailleurs qu'au fond, les 18 juin de la période gaullienne sont moins intéressants, peut-être pour la réflexion sur ce mythe, que ceux qui ont suivi. Dans la période qui va de 1959 à 1969, de Gaulle étant président de la République, on assiste à des querelles entre le ministère des Anciens Combattants et l'Ordre de la Libération, mais tout cela ne conduit pas très loin. Au fond, de Gaulle n'y insiste pas tellement. Il vient toujours dans le silence, chaque année, au Mont-Valérien. Il entre seul dans la crypte. Il en sort sans discours. Il est peut-être plus intéressant de voir ce qu'il a fait en 1969 et en 1970. C'est vrai que, en fait, le seul élément qui vient s'ajouter à la mythologie sous la Ve République, c'est la construction du mémorial au Mont-Valérien. Parce que il y a ce grand édifice qui est conçu par ce brillant architecte qui est qui est le colonel Bruno, qui a déjà travaillé avec de Gaulle pendant la 4e République, qui est achevé en 1960. Le colonel Bruno, d'ailleurs, qui est né un 18 juin, donc tout un symbole. Et dans cet imposant mémorial, on voit là la volonté presque hégémonique des gaullistes de concentrer sur eux toute la mémoire de la résistance. Parce que le Mont Valérien, comme on sait, fut un lieu où beaucoup de résistants furent exécutés. Probablement la majorité des résistants qui y sont morts étaient des communistes, mais fusillés, mais on ne retrouve absolument pas cela dans la manière dont le monument est construit en 1960. Ce ne sera que beaucoup plus tard, si j'ai bonne mémoire, à l'initiative de Robert Badinter, qu'il y aura, je crois, une grande cloche qui aura été construite au Mont Valérien avec le nom de tous les fusillés. Cela ne viendra que beaucoup plus tard. En 1960, on est toujours dans le registre de la mythologie et cela veut dire que la France libre a été toute la résistance. Et en fait, le grand choix que fait de Gaulle après 58, c'est de refuser la proposition que lui fait son ministre des Anciens Combattants de faire du 18 juin une fête nationale comme les fêtes de novembre ou du 14 juillet. Alors là, il y avait un choix très clair. De Gaulle aurait pu faire du 18 juin une fête nationale comme l'est aujourd'hui le 14 juillet, par exemple. D'ailleurs, il y a eu un décret assez récent, finalement, qui remonte à la fin de la présidence de Jacques Chirac, le 10 mars 2006, qui a fait du 18 juin une journée nationale commémorative, mais c'est un peu ambigu parce que les motivations sont exprimées. Il s'agit de rendre un juste hommage de la nation aux Français civils et militaires qui ont refusé la défaite et incarné l'esprit de résistance. Et en même temps, ce n'est pas un jour chômé. Ce n'est pas un jour chômé. Et en fait, cela souligne toute l'ambiguïté du rapport des successeurs du général de Gaulle à cette date magique qu'est le 18 juin. Parce que, d'une part, ils ne pouvaient s'empêcher de célébrer cet événement. Mais d'autre part, ils sont quand même très embarrassés par le 18 juin. Churchill avait eu cette belle formule, j'ai porté beaucoup de croix dans ma vie, mais aucune plus lourde que la croix de Lorraine. On pourrait dire la même chose des successeurs du président de Gaulle. Compte tenu des relations entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, il est intéressant de voir que le 18 juin 1969, de Gaulle le passe en Irlande, il est à Dublin, et il rend visite à celui qui a été le paladin de la lutte contre les Anglais pour l'indépendance, c'est-à-dire Eamon de Valera. Voilà, exactement. Et le 18 juin 1970, beaucoup de gaullistes n'aiment pas tellement le rappeler, il était en Espagne et il a rendu visite au général Franco. Il rend visite au général Franco, ce qui rend furieux, par exemple, Malraux. Et puis en 71, de Gaulle avait prévu d'ailleurs, si Dieu lui prêtait vie, d'aller en Chine pour le 18 juin 1971. C'est un élément important parce que lorsqu'on dit que de Gaulle n'était pas très intéressé par le 18 juin ou que c'était une date qu'il ne voulait pas trop commémorer, il faut quand même se rappeler qu'en 69-70, et s'il avait vécu en 71, il avait fait le choix de ne pas être en France ce jour-là, ce qui me semble souligner le fait que c'était quand même la date essentielle pour lui. Et le 18 juin 1969, c'est Maurice Schumann, l'ancien prestigieux porte-parole de la France libre, qui s'exprime de la sorte. Maurice Schumann, ce soir, vous étiez au Mont Valérien avec les compagnons de la Libération, les résistants. Puis-je vous demander ce que vous avez éprouvé pendant cette cérémonie ? J'ai éprouvé la sensation physique de ce que peut être l'immortalité d'un mortel. Le général de Gaulle était aussi présent qu'un homme peut l'être alors qu'il était absent. Cette présence nous étreignait et nous paralysait tous. Et comme vous le savez probablement déjà, M. de Boislambert, le grand chancelier, s'est arrêté à la porte du mausolée, n'a pas pénétré dans la crypte. Est-ce qu'il avait décidé de n'y pas pénétrer pour ne pas se substituer au général de Gaulle ? Est-ce qu'au contraire, une force supérieure à lui-même l'a arrêté sur le seuil ? En tout cas, j'ai eu le sentiment, moi qui étais à côté de lui, d'être le témoin d'un geste qui symbolisait ce que nous ressentions tous au plus profond de nous-mêmes. J'ose ajouter d'un mot que j'étais sinon plus triste, du moins plus ému encore que le 18 juin 1940, une minute avant d'entendre le général de Gaulle. Car le 18 juin 1940, à partir du moment où j'ai relevé la tête parce que je l'avais entendu, je n'étais plus triste, j'étais résolu. Comme tous les mythes, on le voit bien, un événement de ce genre ramène chacun à sa propre histoire. Mais j'observe aussi qu'il évoque une force supérieure, on est toujours dans le sacré, qui aurait brusquement figé Boislambert à la porte de la crypte. D'abord, il faut rappeler qu'en 69, la présence, l'affluence est beaucoup moindre, parce que le général de Gaulle n'est pas là. Donc, il y a beaucoup moins de fidèles au Mont-Valérien le 18 juin. Alors qu'en 1958, au contraire, tout à coup, on avait vu un grand nombre de gens venir au Mont-Valérien après le retour de Gaulle au pouvoir. C'est bizarre. Des dizaines de milliers, voilà. Parce qu'il y a toujours quand même... On ne peut pas complètement évacuer la politique en France. Et ce rite qui se disait apolitique et privé était toujours quand même relié de manière presque organique avec l'histoire du mouvement gaulliste. D'ailleurs, la cour, tout simplement. La cour, mais aussi les événements du moment. Par exemple, en 68, la commémoration du Mont Valérien intervient quelques semaines après les événements qu'on connaît. Et donc, le 18 juin du Mont-Valérien se transforme en une espèce de contre-manifestation gaullienne, gaulliste plutôt que gaullienne, où, entre autres, on crie le nom de Pompidou, ce qui a, bien entendu, le don d'irriter beaucoup de gaullistes traditionnels, parce que Pompidou n'avait rien à voir, bien entendu, avec la résistance. Mais pour en revenir à 69, c'est vrai qu'il y a des cafouillages très cocasses. Le président par intérim Alain Poher, qui voulait venir au Mont-Valérien, d'après les mémoires de Boislambert, le grand chancelier de l'Ordre de la Libération, on avait demandé aux policiers de lui indiquer une fausse route s'il se présentait. Il n'est pas venu en fin de compte. Il était détesté par les mouvements gaullistes. Mais les gaullistes le détestaient, donc on avait voulu l'envoyer ailleurs. Et d'ailleurs, ce moment qu'évoque Maurice Schumann dans cette interview, le moment où Boislambert décide de ne pas rentrer dans la crypte, il y a une petite suite aussi, parce que lorsque Boislambert n'entre pas, le gardien qui est juste derrière lui pénètre dans la crypte et on l'y enferme à clé. Comme si souvent en histoire, le grandiose s'entremêle avec le cocasse, en somme. Exactement. Alors avançons. Maintenant, c'est Pompidou qui est président de la République, et ensuite ce sera Valéry Giscard d'Estaing. Comment évolue la mémoire, la commémoration du 18 juin, Sudhir Hazare Singh ? Il y a, pour le dire vite, des éléments de tension sous chaque présidence. C'est-à-dire que chacun des présidents, chacun des successeurs du général de Gaulle ne peut pas ignorer le 18 juin. Donc, par exemple, Georges Pompidou inaugure le monument de Colombey en 1972. Deuxième mémorial. Le deuxième mémorial. Après celui du Mont-Valérien. Valéry Giscard d'Estaing essaye de créer une dynamique entre lui et le culte gaullien, mais ça ne marche pas très bien. D'ailleurs, lorsque Giscard d'Estaing va à Colombey, je crois, en 1975, il se fait huer, parce qu'on se souvient, n'est-ce pas, qu'en 1969, il avait appelé à voter non au référendum d'avril. Donc les rapports entre lui et les fidèles du Mont-Valérien et de Colombey, les deux églises, sont des rapports, disons, mitigé. D'ailleurs, il avait voulu que le 8 mai, c'est ça, d'être férié. Il a dû revenir en arrière. Il a dû revenir en arrière, mais donc les résistants étaient déjà très remontés contre lui. Entre le président Mitterrand et le 18 juin, là aussi, il y a eu des rapports plutôt complexes, parce que, surtout au début du premier mandat du président Mitterrand, certains gaullistes étaient très remontés contre lui. Par exemple, le général de Boissieu en particulier, qui était un anti-mitterrandiste assez féroce. C'était le gendre du général de Gaulle. Refusé de lui remettre le grand cordon de la Légion d'honneur au moment de l'intronisation de mai 1981. Mais, comme je l'ai mentionné avant, en 1990, c'est quand même le même président Mitterrand qui inaugure cette plaque du souvenir sous l'Arc de Triomphe. Donc finalement, le mot du général de Gaulle semble se vérifier. Tout le monde a été et ou sera gaulliste. Et un autre mot, c'est celui qu'il tient à Jacques Foccart en 1965. Ce Mont-Valérien, ce n'est plus la peine de le faire. Ça dégringole. Ils vont de moins en moins venir. C'est quand je serai mort qu'ils reviendront. Oui, mais en même temps, dans ces moments de dépression, de Gaulle pensait aussi parfois que tout partait en décadence. Et Malraux raconte cette autre histoire lorsqu'ils sont à Colombey ensemble en 69, où de Gaulle lui montre l'endroit où sera construit le futur mémorial, la Grande Croix de Lorraine. Et de Gaulle dit, comme personne ne viendra, elle incitera au moins les lapins à la résistance. Alors finissons avec les deux derniers présidents de la République, c'est-à-dire Jacques Chirac et, d'autre part, Nicolas Sarkozy. Je comprends à vous lire que vous tendriez à penser que Jacques Chirac, c'est la fin du mythe gaulliste. C'est la fin, d'une part, parce que c'est quand même lui qui corrige la doctrine française du rapport entre la France et Vichy. Ah oui, la fameuse formule qui est tellement discutée et discutable, comme quoi la France et non pas l'État Français de Vichy aurait commis l'irréparable. Voilà, exactement. Et là, on est un peu dans le paradoxe, parce que le dernier président à maintenir l'orthodoxie gaullienne sur ce point était François Mitterrand. Et en fait, c'est le dernier vrai président gaulliste que nous ayons eu, qui est Jacques Chirac, qui a... Gaulliste, vous voulez dire post-gaulliste. Post-gaulliste, voilà. Néo-gaulliste. Néo-gaulliste, c'est lui qui a changé de doctrine, finalement. Et on voit le 18 juin dire s'est frité un peu, si je puis dire, pendant ces années chiraciennes. Elle s'est fritée un peu, mais en même temps, c'est le président Chirac qui fait passer ce décret du 10 mars 2006 sur la journée mémorielle du 18 juin. C'est aussi lui qui fait construire l'historial du général de Gaulle aux Invalides. C'est une très belle réalisation et je convie nos auditeurs qui ne le connaissent pas à aller voir. C'est une utilisation très, très moderne de l'audiovisuel en particulier. Exactement, exactement. C'est très, très bien réalisé et cela fait partie de cette volonté qu'a eu le président Chirac d'institutionnaliser, si je puis dire, la mémoire du 18 juin. Donc je pense qu'il a joué un rôle quand même très important, bien qu'il ait lui-même voulu relativiser le poids du 18 juin dans la mémoire collective. Alors un mot pour finir, si vous voulez bien, Soudir Azaressing, sur les relations complexe entre l'actuel président de la République et la mémoire du général de Gaulle. J'ai souvenir que dans son livre sur Mandel, il insistait beaucoup sur le fait que de Gaulle aurait voulu empêcher Mandel de quitter sa prison, ce qui est pour le moins discutable, comme s'il avait eu peur que Mandel vienne se substituer à sa place. Rien d'avéré de la sorte. Il y a des rapports ambigus, non, vous ne trouvez pas ? Très ambigus, parce que avant 2007, avant qu'il ne devienne président de la République, Nicolas Sarkozy voulait manifestement se distancier par rapport à la tradition gaullienne. Dans le livre qu'il avait écrit, qui s'appelait Libre, je crois, il se moque très gentiment des pèlerinages gaullistes à Colombey et laisse clairement entendre que ce genre de choses ne lui convient pas du tout. Mais on voit, par exemple, en 2010, que lors des commémorations du 70e anniversaire de l'appel du 18 juin, c'est Nicolas Sarkozy qui va à Londres pour faire un grand discours. Et même en novembre 2010, Sarkozy retourne à Colombey en pèlerinage. En général, les hommes politiques en France se souviennent du général de Gaulle lorsque les échéances électorales se rapprochent. Je vais clore notre conversation, se dire à Azaressing sur ce propos qui apparemment est une généralisation. Je laisserai chacun réagir à sa guise à ce que vous venez de dire. Et je rappellerai votre livre excellent qui s'appelle « Le mythe gaullien » paru l'année dernière, en 2010, aux éditions Gallimard. Et vous avez contribué à l'ouvrage collectif que j'ai évoqué en passant, les 18 juin, combat et commémoration, sous la direction de Philippe Poulmont, qui a été publié par André Versailles. Et enfin, je voudrais saluer le petit livre excellent de Jean-Louis Crémieux-Briac, qui est à la fois un acteur majeur de la résistance et aussi un historien de première qualité. Un petit livre consacré à l'appel du 18 juin et aux appels du général de Gaulle des mois de juin et juillet 1940, une coédition Armand Collin et Radio France. Vous retrouverez toutes ces informations et les références des documents sonores que nous avons utilisés sur le site de France Culture, à la page Concordance des temps. Vous connaissez bien maintenant le chemin qui vous permet d'y accéder. Vous pourrez également réécouter, télécharger cette émission et réagir en ligne. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée par Patrick Molinier et préparée avec la précieuse collaboration de Meryl Moneghetti, de Jeanne Guérou, de Cécilia Delporte, notre stagiaire. Jérôme Bonnetin étant à la discothèque et Alexandre Dang à la prise de son. Pour les Archivina, Catherine Louis.